Je vendais de la drogue à l'école. J'ai quitté l'école pour la dope. Le 635 est menaçant. Nettoyer minutieusement. J'étais dehors avant midi. Midi, minuit, y'a pas de mi-temps. La plupart du temps en meute. Personne pouvait nous la mettre. On coupait la moitié de la moitié. Moi qui croyais que la haine m'avait maudit sans. Mais à vrai dire notre amitié, elle vaut rien de plus que de l'argent sale. L'argent de capote, un paquet de clopes et des feuilles. Comme j'ai une cachette, jamais que trop dans ma fouille. Si j'ai la recharge, obligé de prendre la fuite. Maman pardonne-moi, je joue au charbon, crois pas que. Et je coupe la gueudro, cellophane. Et je vois la gueudro, cellophane. Maman n'aime pas que je traîne la nuit. Et papa ne veut pas que je. Et je coupe la gueudro, cellophane. Et je vois la gueudro, cellophane. Maman n'aime pas que je traîne la nuit. Et papa ne veut pas que je dise. Pendant que le soleil se couche. Sur le transac, j'pète ma Audi couche. Je repense aux showcases la veille. Regarde, il rendu fier mon vieux. Allô, depuis c'est moi. Il me reste câble, le ravitaille, le bail. Belek, les keufs sont high. J'fais tout respect vers la regarde. J'ai à 300 pas. C'est la fin de la quête. Fini ça et j'double ta peur. Te fais pas péter. Va trouver une cachette. À conseiller vite les faits. L'argent de capote, un paquet de club et des feuilles. Comme j'ai une cachette, jamais que trop dans ma fouille. Si j'ai la recharge, obligé de prendre la fuite. Maman pardonne-moi, je joue au charbon, crois pas que. Et je coupe la gueudro, cellophane. Et je vois la gueudro, cellophane. Maman n'aime pas que je traîne la nuit. Et papa ne veut pas que je. Et je coupe la gueudro, cellophane. Et je vois la gueudro, cellophane. Maman n'aime pas que je traîne la nuit. Et papa ne veut pas que je.